truc à troquer en vrac, comme un mi-mac contre un riquet. Rac, troc, un steak contre un stick, j'en ai de stock, tout en tech, tech, provenant d'Itac, lors d'une attaque de piratas. Tech, troc, le grand cric le croc, un bloc de stuc contre un truc, truc, qui du tac au tac deviendra top, sans cliquer, sans cloque. Troc, tout un bric-à-brac de pièces antiques, mais en toc, toc, trouvé dans un sac lors de l'attaque des piratas. Tech, troc, Ravel et Bartok contre une époque trop opaque. Break. De jarnac dans un hamac contre un pipoquet, quête contre du cognac, mon alambic est à sec, sec comme ce cosaque portant perruque qui se prétend duc, duc, grand duc, archiduc. Pour moi ce n'est qu'un eunuque, donc je trouve que ce duc plus équivoque qu'un vieux gonocoque. Troc, sa piste des frocs contre une bicoque, même au pec. Troc, une corne d'oroc aphrodisiaque